Go back to bed, America. Your government is in control. Les droits de l'homme? Oh, les droits de la femme? Oh, on s'en fout. Eh, ça paye. Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. On vit sur du temps emprunté, puis tôt ou tard, il va y avoir un réajustement qui risque de faire mal. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. L'économie doit être au service du reste des liens humains. Mais si on fait rien, c'est sûr que rien ne changera. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Lemelin, bienvenue à Iconophile. Alerte Amber, on relaie un tweet envoyé par un tweet, on parle trop vite, on écorche trop vite. C'est là qu'on est rendu, à faire l'apologie du fast-food intellectuel, ben on en arrive à ça, hein, finalement. On est bon là-dedans, à Québec, à le manger mou intellectuel, mais on n'est pas les seuls. Et ça, faut être honnête, c'est malheureusement un courant nord-américain très fort. Fox News, les animateurs de Trash Radio aux États-Unis. Ici, on n'a plus de poubelles, on a plus de poubelles que les ondes sont capables d'en contenir. Mais c'est quoi le lien avec l'économie, direz-vous? Mais c'est de l'économie. On peut blâmer les animateurs, c'est vrai, mais en même temps, on apprend dans le magazine L'Actualité qu'il y a plus de plaintes qu'avant, mais moins de blâmes. Donc, on réalise qu'au fond, ben, on s'en occupe pas vraiment. Personne ne peut vraiment prendre la pression, la chaleur, essayer de changer de climat. Hein. Changer de climat, c'est pas rien. On peut blâmer qui on veut aussi. On peut, au passage, ne pas oublier les propriétaires qui eux-mêmes embarquent volontiers dans ce jeu qui consiste à dépenser le moins possible pour avoir de l'information, la moins juste possible, mais plus croustillante. Un blog intéressant sur Internet, d'ailleurs, explore l'avenue économique qui est liée au fait que, il appelle ça les grandes gueules, comme il dit, là, tendent à se multiplier, chroniqueurs aussi, partout. Et pourquoi? Pourquoi tout le monde semble vouloir se placer au même endroit, occuper le même terrain? Parce que ça semble le moyen le plus efficace d'atteindre le plus largement l'auditoire qu'on espère récolter. Et c'est là que c'est payant. C'est parce que c'est payant. Ben oui. Pas parce que ça permet de donner l'heure juste, de dire les vraies affaires ou de venir au secours de la veuve et de l'orphelin, là, c'est pas ça du tout. C'est payant. Susciter la polémique, hein? Ça attire les oreilles, ça c'est comme le miel attire les abeilles, c'est la nature humaine. Il y a eu des études aussi sur le White Angry Man, des analyses sociologiques. Mais l'angle économique est aussi très intéressant. Oui, c'est payant. Et puis surtout, ben, c'est pas cher. Se payer une salle de nouvelles, des recherchistes, un rédacteur ou une rédactrice en chef, valider les informations, chercher, fouiller, contre-vérifier, enquêter, lire, se renseigner, c'est long. Hein? Ça coûte cher de l'heure. Trop cher. Donc, respecter un code de déontologie qui suggère d'avoir deux sources avant d'ouvrir sa trappe, ben c'est ben tannant. C'est trop long. On aime ouvrir la switch du micro puis dire, parler, sans réfléchir. C'est pas grave parce que faut que je vous jase, là. C'est mieux une fausse information que pas d'information du tout, a-t-on déjà dit? Ben non. Penser comme ça, c'est grave. Mais c'est ça la logique. Parler, dire, commenter, remplir du temps d'antenne, bousculer, brasser, provoquer, fabriquer de l'opinion comme on fait de la saucisse, en disant que toutes les opinions se valent, c'est payant. Et ça finit par avoir des conséquences plus larges. Quand des politiciens se rassemblent pour annoncer l'élargissement d'une autoroute ou la construction prochaine d'une troisième voie qui servira à rien sauf empirer les choses et favoriser l'étalement, ça vient d'où cette idée-là, vous pensez? La pression devient forte, tellement forte qu'on va prendre une décision avec une incidence sur la circulation et ultimement sur le développement économique, juste pour qu'on se fasse sacrer patience. Tout un projet de société, hein? Cupidité, je gueule ton nom partout. Bienvenue à Iconophile. Vous voulez nous retrouver sur les internets, les réseaux sociaux, sur le blog, on est là, allez aimer la page sur Facebook pour nous suivre, facebook.com/econophile891. Et puis, pour trouver le blog, deux façons, le bouton « En savoir davantage » sous le bandeau de notre page Facebook, ou encore, vous allez sur econophile.net et vous y arrivez directement. econophile.net pour lire des textes inspirés de nos discussions ou encore des livres que nous vous présentons. On va y placer les liens utiles des articles dont on vous parle au cours de l'émission, ça s'en vient. Et ça vous permettra d'avoir quelque chose à lire pour vous forger une opinion plus solide, ma foi. Et puis, vous y trouvez aussi la balado qui donne accès aux trois dernières émissions ainsi qu'à la totalité des émissions qui sont disponibles dans la section « Émissions ». Jean-Claude Cloutier, bonjour. Oui, bonjour David. Écoute Jean-Claude, on s'est tout un mandat cette semaine. T'avais le goût. Oui, oui. C'est un vaste projet, certes, on va le dire comme ça. Dans le fond, un thème pour l'émission qui va demander de petits miracles de synthèse, on pourrait dire. 150 ans du Canada, on en parle beaucoup, c'est l'année en cours. 150 ans pour le Québec aussi, dans l'économie canadienne. Alors, quel bilan on peut faire? C'est un peu ça l'idée. C'est exactement ce qu'on va essayer de faire 150 ans en 15 ou 20 minutes. Rien de moins. Alors, commençons tout de suite. Et on aura aussi quelques références pour vous, de même qu'une entrevue avec l'économiste Jean-Pierre Furlong qui nous parlera, lui, des débuts de l'histoire, vraiment libre-échange, protectionnisme, comment ça s'est modifié avec le temps dans un contexte de renégociation de l'ALENA. C'est assez à propos. Vous verrez que c'est dans le ton. Chiffre de la semaine, Jean-Claude. 1,21 $. 1,21 $. Bon, alors c'est tout ce qu'on vous dit. Le chiffre de la semaine, c'est 1,21 $. La réponse, on va vous donner ça en fin d'émission. Rien de moins. Donc, effectivement, on va faire un petit peu d'histoire. On recule d'abord de 150 ans et il y avait quoi au fond? Hein? C'est la question qu'on va se poser ensemble. Qu'est-ce qu'il y avait au tout début? Il faut reculer vraiment à l'époque du colonialisme d'abord, bien entendu. On va établir les choses avec ça. Et des décisions économiques hein, dans les métropoles et puis ensuite chez nos voisins qui vont vraiment forcer des réajustements. Alors, on écoute Jean-Pierre Furlong, économiste. Que ce soit à l'époque du régime français ou à l'époque du régime anglais, la principale caractéristique de l'économie canadienne, c'est effectivement que c'est une économie coloniale. Et c'est-à-dire que les échanges se font surtout avec la métropole française d'abord et ensuite anglaise. Et puis, quand le Royaume-Uni devient libre-échangiste dans les années 1840, bien, à ce moment-là, on perd l'accès privilégié qu'on avait à ce marché-là. Et il faut trouver autre chose, là. Et puis, temporairement, cette autre chose-là, c'est un meilleur accès au marché des États-Unis et c'est le traité de réciprocité commerciale qui a été en vigueur de 1855 à 1866 qui vient compenser là, pour le fait qu'on a perdu notre accès préférentiel au marché du Royaume-Uni. Donc, à ce moment-là, c'est le début de la fin de ce qu'on pourrait appeler l'économie coloniale. Et ce qui se développe à partir de ce moment-là, c'est plus ce qu'on peut appeler une économie de type continental, en ce sens que on va développer les échanges entre les colonies, entre les anciennes colonies, si on peut dire, là, ou ce qui est encore des colonies à l'époque, là, mais c'est qu'on va développer les échanges à l'intérieur de l'Amérique du Nord, entre les diverses colonies de l'époque. Et avec la Confédération, ben là, ce ne sont plus en soi des colonies, mais plutôt des provinces là, d'un même pays qui vont essayer de tenter d'améliorer les échanges là, entre elles et aussi faire diverses tentatives pour renouveler la réciprocité, là, qui, comme je le mentionnais tantôt, qui a pris fin, la réciprocité avec les États-Unis qui a pris fin en 1866, mais ça, il faudra attendre 1989 avec l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis pour retrouver, si on peut dire, là, sur le plan institutionnel, quelque chose là, qui pouvait quelque chose qui peut ressembler à ce qu'on avait à l'époque du traité de réciprocité là, au milieu du 19e siècle. Évidemment, il y a un intérêt à avoir un marché intérieur pour ce qui est de l'aspect de la confédération, si on le comprend bien. Oui. Là où il y a les barrières tarifaires, on parle pas de la même chose avec les États-Unis. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on peut dire de c'est justement barrières tarifaires? Comment se comportent les échanges à cette époque-là? Parce que, bon, oui, on recule bien loin dans ce libre-échange embryonnaire, mais comment ça se comportait à l'époque? Ben à l'époque du traité de réciprocité, c'est que ça vient faciliter les échanges de ressources naturelles. En fait, il y a un grand besoin du côté américain de bois canadien pour aider à la construction des chemins de fer. Hein, tous les travers là que vous avez sous les voies ferrées, là, c'est en bois, ça. Et donc, c'est une des choses là, qui est facilitée. Le commerce du bois, si on peut dire, là, c'est ça qui est entre autres facilité par le traité de réciprocité, puis d'autres produits là, comme les produits de la pêche, puis certains produits de l'agriculture aussi. Là, donc, mais c'est surtout l'accent est vraiment mis là, sur la facilitation du commerce des produits à base de ressources naturelles. Et ce qui change vraiment quand on en vient à la politique nationale, il y a une volonté de changer le cap. Pourquoi on fait ça? C'est parce que on, malgré les efforts du Canada, les États-Unis ne sont pas intéressés à renouveler ce que les gens appellent à l'époque la réciprocité commerciale. Et donc, on va, nous aussi, à ce moment-là, imposer des tarifs douaniers qui vont faire en sorte qu'on va développer au Canada des industries comme à l'abri là, des grâce à la protection des droits de douane, bien il y a des industries qui vont naître comme du côté textile, vêtements, chaussures, meubles. Alors grâce à la protection tarifaire là, c'est le type d'industries qui vont se développer ici, notamment au Québec là. Puis il y a la même chose aussi du côté de l'Ontario, là, ces mêmes industries-là, plus d'autres industries de biens d'équipement se développent aussi du côté ontarien. Là. Qu'est-ce que ça a comme effet sur le développement de l'économie? Parce qu'aujourd'hui, si vous demandez à n'importe qui s'intéresse un peu à l'économie, il va probablement vous dire libre-échange égale prospérité, protectionnisme égale le problème. Oui. Sauf que ce qu'on comprend, c'est que c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est articulé à l'époque. Ben, en fait, c'est parce que on réagissait. À l'époque, on réagissait au fait que les États-Unis étaient devenus plus protectionnistes envers nous du fait qu'ils laissaient tomber la réciprocité commerciale. Alors là, il faut réagir. Puis c'était pas l'objectif premier du Canada, ce n'était pas d'avoir un mur tarifaire. L'objectif du Canada, c'était de faciliter ses échanges de ressources avec les États-Unis. Mais voyons, là, on est mis devant le fait accompli et on décide au Canada, à ce moment-là, on se dit, bien, écoutez, on va essayer de développer notre propre marché canadien à l'abri des tarifs douaniers. Là. Est-ce qu'on peut dire que ça a fonctionné? Oui, parce que tenant compte là, de la situation à laquelle on faisait face, là, c'est-à-dire que d'une part, on concurrençait moins bien sur le marché du Royaume-Uni et d'autres colonies en raison de la fin, de la préférence de la préférence dont on bénéficiait sur le marché du Royaume-Uni. Les États-Unis ne sont plus intéressés. Hein, ils mettent l'accent sur le développement de leur propre économie. Alors, oui, ça fonctionne, mais ça fonctionne en partie puisque on est même obligé à cette époque-là, on se trouve à exporter notre main-d'œuvre. Vous êtes sûrement au courant là que durant la période, durant la deuxième moitié du 19e siècle, puis au début du 20e siècle, il y a un très grand nombre de Canadiens, notamment des Canadiens français, là, qui vont traverser en Nouvelle-Angleterre, notamment pour aller travailler dans les usines de textiles, de vêtements. Oui, c'est beaucoup de non-consonances francophones dans le milieu américain, bien entendu. On parle de millions de personnes qui aujourd'hui en sont originaires. Et évidemment, avec le temps, vous l'écrivez dans votre texte de blog notamment, ça reste pas comme ça, c'est pas immuable, ça va disons que le mur tarifaire va tranquillement tomber, ça va changer, en tout cas, ça se modifier certainement. De quelle manière? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les gouvernements là, ou les divers pays veulent repartir sur de nouvelles bases. Il y a la création d'abord d'institutions comme la banque, le Fonds monétaire international et aussi ce qui va devenir la Banque mondiale, mais sur le plan commercial, on veut aussi améliorer les choses. Plus vous allez créer de l'interdépendance économique entre les pays, on croit à ce moment-là, puis avec raison, que plus les pays sont interdépendants, moins ils vont être portés à se chamailler ou à se faire la guerre. Et c'est à cette époque-là aussi que vous voyez la construction européenne. Mais nous, dans notre cas, c'est que le Canada le participe avec d'autres pays à la négociation de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, qui va faire en sorte qu'on va diminuer graduellement les tarifs douaniers et d'autres mesures non tarifaires au commerce. Le projet initialement était beaucoup plus vaste que ça. Ce qu'on voulait, c'était l'équivalent de ce qu'on a aujourd'hui avec l'Organisation mondiale du commerce. Là. Mais ce projet-là, lui, à la fin des années 40 puis début 50, là, même si les pays s'étaient entendus pour avoir une organisation de cette ampleur-là, finalement, le Congrès américain n'a pas accepté de ratifier ça, et c'est ce qui fait qu'il aura fallu attendre jusqu'à 1995 pour avoir une véritable Organisation mondiale du commerce. Mais entre-temps, on avait quand même l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, et dans le cadre de diverses négociations qui se sont tenues en vertu de cet accord-là, bien là, il y a eu réduction des barrières commerciales, ce qu'on en vient même aux accords de l'Organisation mondiale du commerce là, qui sont entrés en vigueur en 1995. On comprend aussi qu'il y a vraiment une espèce d'équilibre un peu, sûrement pas toujours très évident, entre on est ouvert, en fait, des échanges internationaux versus quand même une certaine forme de protectionnisme. Le Canada s'en sort comment là-dedans? En fait, c'est que, comme tous les autres pays, le Canada, ce qu'il fait, c'est qu'il négocie pour avoir un meilleur accès au marché pour ces produits qui sont en mesure de faire face plus facilement à la concurrence internationale. Là où il a un avantage comparatif, il pousse pour la libéralisation. Et quand, d'un autre côté, il veut protéger certaines de ses industries, bien, soit qu'il décide de ne pratiquement pas faire de changement, ou bien il va tenter d'avoir un échelonnement des réductions tarifaires sur la plus longue période possible. Alors, le Canada, tout comme les autres pays, joue à l'offensive et à la défensive en même temps. Hein? C'est un peu ce qui se passe au cours de toutes ces négociations-là. Et c'est ça qui se passe aussi quand on négocie l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, là, qui va devenir un peu plus tard l'accord de libre-échange nord-américain. Là, ça n'a pas... Ouais. Même si on parle de libre-échange, ces accords-là n'ont pas tout libéralisé là, dans nos échanges à l'échelle de l'Amérique du Nord. Là. Jean-Claude a mis la table solide, grand pan d'histoire qu'on vient de passer. Et on comprend qu'il y a, dans le fond, c'est très circonstanciel. Les décisions sont circonstancielles et, comme par hasard, très dépendantes des Américains. Oui, oui, c'est sûr. C'est presque ironique, en tout cas, presque amusant, disons. On peut prendre ça de ce côté-là, de voir que l'histoire se répète constamment. On est toujours à la remorque un peu des États-Unis. On en a parlé la semaine dernière. On est un peu, présentement, les victimes, jusqu'à un certain point, d'une décision de M. Trump pour renégocier l'ALENA. Mais dès le début du Canada, en 1867, c'était un peu une réaction, dans le fond, à une décision des États-Unis qui ne voulait pas faire affaire avec nous autres. En fait, qui voulait bien nous considérer comme une source à l'origine de ressources, l'approvisionnement en ressources, mais de là à laisser entrer des produits manufacturés ou des produits agricoles venant du Canada, ça ne leur plaisait pas. Ils voulaient protéger leur industrie naissante. Ça a été dit la semaine passée aussi par un article que tu as lu, c'est que même si on prétendument libre-échangiste aujourd'hui, et l'Angleterre et les États-Unis ont été à une certaine époque dans leur histoire très protectionnistes, et on pourrait dire qu'ils sont encore jusqu'à un certain point aujourd'hui. Tout à fait. Donc, on a compris aussi qu'il y avait une part importante de création de marché intérieur au Canada. On s'est dit, bon, ben tant qu'à ne pas pouvoir faire affaire avec eux, on va élargir ça, on va élargir ici, puis on essaiera de créer des usines chez nous, des manufactures chez nous. C'est ce qui s'est passé, finalement. Oui, bien, les États-Unis, finalement, par leur décision de ne pas renouveler le traité de réciprocité avec le Canada, ils ont un peu forcé le Canada à mettre en place sa politique nationale. C'est ce qu'on a appelé la politique nationale de John A. Macdonald. C'est ce que me rappelait M. Furlong tantôt. Et on est devenu nous-mêmes, on est entré dans cette logique de protéger nos industries naissantes. Et ça a fonctionné jusqu'à un certain point. Ça a même fonctionné beaucoup pendant pratiquement un siècle, jusqu'à, M. Furlong l'a rappelé, peut-être, grosso modo, un peu après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on avait des tarifs assez élevés pour permettre à nos industries de biens de consommation, de biens d'équipement, de transformation des ressources, de se développer, en tout cas, le mieux possible. Ça avait toutes sortes de conséquences, mais moi, c'est un des aspects, moi, que je trouve intéressant, en tout cas, au moins dans le premier siècle de la Confédération, de l'appartenance de la province de Québec au Canada, c'est que ça. On a profité, dans le fond, d'une situation. Montréal était très bien situé. Montréal et, par extension, le reste du Québec étaient un peu au centre de ce nouveau pays-là. Et quand la Confédération a été créée par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique en 1867, Montréal était vraiment indiscutablement la métropole du Canada parce qu'il était le point le plus avancé dans l'axe du Saint-Laurent. Enfin, les bateaux qui traversaient l'Atlantique pouvaient se rendre jusqu'à Montréal, soit chargés des marchandises à destination d'outre-mer ou soit amener des immigrants ou amener des marchandises en provenance de l'Angleterre ou d'autres origines. Donc, il y avait une espèce de, les économistes faisaient des rentes, une rente de situation, et on en a profité abondamment. La bourgeoisie canadienne-anglaise établie à Montréal à l'époque en a beaucoup profité. Et on a encore des vestiges de tout ça aujourd'hui dans ce qu'on appelle le Golden Square Miles. À Montréal, on a encore des très belles propriétés issues des gens qui ont fait fortune à l'époque. À l'époque où Montréal, dans le fond, était la métropole, puis Montréal a beaucoup profité de la création de ce pays-là, c'est-à-dire l'expansion vers l'Ouest qui a demandé de financer des chemins de fer, de les construire, d'y amener des immigrants, etc., etc. Donc, moi, j'ai compris de tout ce que tu as dit que John A. Macdonald, entre deux bouteilles de cognac, des fois avait des bonnes idées. Mais toujours est-il que le sujet dont on parle, évidemment, il y a un aspect politique très important. On pourrait parler de souverainiste, fédéraliste. On essaie quand même de garder vraiment le focus sur l'économie. Parler de ce qu'on peut en tirer de positif, parler de ce qui est plutôt négatif. Là, on est dans l'aspect plus positif des choses. C'est ce que tu voulais faire dans le premier. Il y en aurait d'autres aussi. Ouais. Fait, je ne sais pas dans quel ordre tu veux les aborder, mais il y aurait d'autres aspects positifs aussi. Bien, poursuivons parce que je peux citer un exemple d'un livre écrit par un certain Jean-Claude Cloutier qui dit qu'essentiellement, des capitaux britanniques et américains, c'est ce qui ont assuré le développement de l'économie québécoise pendant la période de 200 ans, là, de la conquête à la Révolution tranquille. C'est quand même pas négligeable. Ça veut dire qu'on dépendait quand même, bon, je suis peut-être dans le négatif, mais on pourrait parler du positif. Ça veut dire qu'il y a eu quand même des capitaux qui sont venus contribuer à un certain développement. Mais en même temps, il y a une grande dépendance sur laquelle on pourrait peut-être revenir. Là, je pars dans un... Oui, c'est-à-dire que peut-être la manière qu'on pourrait le situer, c'est qu'on pourrait positionner ça, l'expliquer ça, c'est que sous la politique nationale, puis en fait, la politique nationale, c'était, M. Forlan l'a rappelé un peu tantôt, c'est une série de décisions qui ont été prises là, pour créer et consolider le nouveau pays là, qu'on venait de créer. Et notamment, il y a eu la politique nationale, mais il y a eu l'expansion, le développement des chemins de fer vers l'ouest. En fait, on voulait rattacher la lointaine Colombie-Britannique aux provinces de l'Est, qui sont devenues les provinces de l'Est. Mais entre-temps aussi, on s'est dit, quand aller à la Colombie-Britannique, on va aussi coloniser les plaines, ce qui était à l'époque, je pense, appartenait à la compagnie de la baie du Tson. Et donc, on a quitté, s'il le fallait, et en écoutant notre courage, à exproprier les Indiens et les Métis. Oui, avec beaucoup de classe et beaucoup de tact. C'est ça, mais enfin, peu importe, là, on n'embarquera pas trop dans ces aspects très contestés. Mais ça a eu pour effet, dans le fond, que ça prenait des capitaux, et les capitaux pour construire le chemin de fer, puis pour coloniser l'Ouest. Et les capitaux sont venus en bonne partie de la tête de l'Empire, c'est-à-dire de Londres, des capitaux britanniques et en partie aussi, il faut bien le dire, des capitaux américains par la suite. Mais effectivement, on a beaucoup dépendu du capital étranger pendant une bonne période. On a beaucoup dépendu de tarifs très élevés. Mais le retour du boomerang s'est fait après la Deuxième Guerre, parce que là, il y a eu... moi, je me souviens très bien quand j'étudiais en économie, puis quand, comme jeune économiste, le gros débat à la fin des années 60 et au début des années 70, c'était la propriété étrangère, c'est-à-dire qu'on oui. était un peu mal à l'aise et inquiet du fait que notre économie, tant au Québec que dans le reste du Canada, était largement la propriété d'intérêts encore britanniques assez importants, mais surtout américains. Puis il y avait tout on n'entend pas parler de ça, plus parler de ça aujourd'hui du tout, le problème est moins important. Ça, c'est un des aspects. Le retour du boomerang, dans le sens, on a beaucoup dépendu des étrangers pour investir, développer le pays. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il fallait bien quand même se prendre en charge nous-mêmes puis mettre nos propres capitaux, notre propre épargne, disons, au service du développement du pays. L'autre aspect qui nous est un peu... pour prendre l'expression pour là, il nous a pété dans la face, c'est que c'est bien beau, ouais, des tarifs très élevés, mais ça fait une industrie nationale très peu compétitive, finalement. Alors, parce que, dans le fond, l'autre expression qui était très importante au moment où j'étudiais en économie, dans les années 60 et 70, c'était qu'on était une économie de filiale, le branch plant economy. Puis, tant les Canadiens anglais que les Québécois s'inquiétaient un peu de ça, on disait, ouais, mais c'est bien le fun de faire des frigidaires à Montmagny ou des balayeuses au nord à Repentigny, mais à un moment donné, là, y a-tu moyen de développer nos propres produits et faire d'autres choses que juste assembler des frigidaires puis des balayeuses puis des oui. cuisinières. Et donc, il y a eu ce mouvement de dire... puis on est obligé de le faire parce qu'en baissant les tarifs, évidemment, la protection n'était plus efficace. Enfin, ça nous a forcé, finalement, à faire du rattrapage puis une modernisation très rapide de l'économie. Il y a eu une volonté aussi, entre autres, on a parlé beaucoup des sièges sociaux. Hein. Il y a comme une espèce d'intérêt, d'attachement peut-être même un peu mythique par rapport aux sièges sociaux. Mais ça a eu son importance parce qu'à une certaine époque, on disait les sièges sociaux s'installent au Québec parce que c'est une manière d'échapper aux barrières tarifaires. Ils sont pas là vraiment pour... En tant que tel, c'est pas une vraie addition, sinon un peu artificielle, mais par la suite, on a dit, ben, peut-être qu'on pourrait le faire nous-mêmes, par nous-mêmes, en nous-mêmes. Ben, le problème de la question des sièges sociaux, je la prendrais peut-être sous un autre angle, c'est-à-dire qu'on l'a beaucoup connu au Québec, puis t'es peut-être même assez vieux, malgré ton jeune âge, pour te rappeler. Un livre d'histoire, j'en ai lu. C'est ça, mais dans les années 70, surtout avec la montée du mouvement indépendantiste au Québec, on a beaucoup déploré l'exode de sièges sociaux qui sont partis de Montréal vers Toronto et peut-être un peu... En 1980, d'ailleurs, par hasard. Ouais. Oui, même un peu avant. Ça a commencé un peu avant. Mais ça aussi, c'est un peu un retour de l'histoire. Puis, tantôt, je mentionnais que Montréal, puis par extension, un peu toute la périphérie de Montréal jusqu'à Québec, mettons, ou jusqu'à Rivière-du-Loup, même à la limite, on a beaucoup profité de la situation au milieu du 19e siècle, au moment de la création du Canada. Mais maintenant, l'activité économique s'est déplacée vers les Grands Lacs, non seulement au Québec, mais aux États-Unis aussi. Boston et New York ont connu des périodes difficiles aussi parce que l'activité se déplaçait vers l'Ouest puis vers le Pacifique. Et c'est encore le cas aujourd'hui. En plus de ça, on a créé la voie maritime du Saint-Laurent qui a fait en sorte que les gros bateaux n'étaient plus obligés d'arrêter à Montréal. Il y en avait plusieurs qui continuaient jusque dans les Grands Lacs et donc décharger leurs marchandises à Toronto ou à Chicago. Et donc, ça a nuit, ça. Et moi, je pense que ça, tout autant que le mouvement souverainiste socialiste québécois a fait en sorte que l'activité économique s'est déplacée vers l'Ouest. En tout cas, ça a commencé par aller vers Toronto. Et c'est là qu'on a eu le problème des sièges sociaux. Parce qu'à Montréal, grâce à la politique nationale, puis grâce au fait que c'était la métropole du nouveau pays il y a 100 ans, bon, on avait des sièges comme ceux des grandes banques, comme la Banque Royale, la Banque de Montréal était établie à Montréal. Mais c'est, à un moment donné, ces grands sièges sociaux-là ont décidé de se rapprocher du centre de l'activité économique, c'est-à-dire vers Toronto. Donc, il y a eu un exode important, effectivement, de sièges sociaux. On en garde encore un certain nombre aujourd'hui à Montréal. On essaie de les garder, en tout cas. Hein, ben, il y a ceux qui viennent du Québec. C'est sûr que Bombardier, c'est toujours à Montréal. Mais même Air Canada, des sièges institutionnels sont encore à Montréal parce que le gouvernement fédéral, je pense, aurait mauvaise presse d'autoriser leur déplacement vers Toronto. Tout à fait. On fait une courte pause. Au retour, on va notamment parler aussi de péréquation. Hein? Ah, s'il y en a une question qui est importante là-dedans. C'est l'émission Econophile qui se poursuit au 89.1 CKRL. C'est David Lemelin au micro, en compagnie de l'économiste Jean-Claude Cloutier. On célèbre les 150 ans du Canada ensemble en parlant de l'économie au Canada et de la place du Québec dans tout ça. Jean-Claude, on était dans certains avantages. On continue dans les avantages, mais nuancés. Il y a beaucoup à dire et je parie qu'il y en a qui vont dire « Hey, on monte le son, il parle de la péréquation ». Effectivement, la péréquation, sujet de discorde, qui a des avantages et qui mérite d'être nuancé. Néanmoins, c'est intéressant. Bien, la péréquation, je pense que c'est un bon exemple d'un des avantages d'appartenir au Canada. Les fédéralistes aiment beaucoup le rappeler chaque fois qu'il y a une discussion sur la souveraineté du Québec. Mais ils ont raison. C'est dire que c'est une forme d'assurance collective. Puis c'est correct. Je pense qu'un grand pays comme le Canada se devait de mettre en place une espèce de régime là, qui aide tous les Canadiens, qui, peu importe qu'ils soient dans la plus petite province ou la plus pauvre province ou dans la plus riche ou la plus grande, et a accès à un minimum de services. Donc la péréquation, ça vise à faire en sorte que si votre gouvernement provincial est moins riche qu'un autre, ben on va vous donner un peu d'argent. C'est le fédéral qui va donner ça en prélevant à travers les impôts un peu partout au Canada, puis il va redistribuer un peu dans le fond l'argent pour s'assurer que tous les Canadiens, être Canadien, ça signifie avoir tel minimum de services, que ce soit en matière de santé ou dans d'autres domaines. Si tu me permets, je vais juste lire un petit bout de l'article de Luc Godbout. Ça date de 2012, mais ça reste très pertinent. Il parlait de ça, que vaut la critique albertaine au sujet de la péréquation reçue par le Québec, parce qu'il le dit lui-même, même s'il est vrai que le Québec reçoit de la péréquation, c'est plutôt en prélevant plus d'impôts et de taxes auprès de ses propres citoyens que le Québec peut leur offrir plus de services qu'ailleurs. Cette phrase-là est importante et il rappelle le principe, néanmoins, ce que tu viens de dire. Le Parlement et le gouvernement du Canada prennent l'engagement de principe de faire des paiements de péréquation propres à donner aux gouvernements provinciaux des revenus suffisants pour les mettre en mesure d'assurer les services publics à un niveau de qualité de fiscalité sensiblement comparable. C'est ça la base de l'affaire. Exactement, oui. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs, j'ai pris moi aussi les chiffres de M. Godbout, mais sont à peu près, je suis sûr qu'ils sont pratiquement... Proportionnellement sensibles. Proportionnellement, c'est encore correct. Puis c'était pour l'année 2012-2013. Luc Godbout, il commence par affirmer qu'il faisait référence, dans le fond, à une critique de l'Alberta à l'époque, mais nous, plus récemment, Brad Wall, le premier ministre de Saskatchewan, il y a à peine quelques mois, dit « Ouais, le Québec, il veut nous bloquer nos oléoducs, là, nos pipelines vers l'Est, mais on va y couper la péréquation. Ouais, » ça joue de toutes sortes de façons. Ça joue par les fédéralistes au Québec, mais par des gens des autres provinces, des fois, qui n'aiment pas tellement les réactions des Québécois. Mais puis souvent, ceux qui veulent mettre blâmer un peu l'attitude du Québec vont dire le Québec est la principale province qui profite de la péréquation. C'est vrai. En 2012-2013, on recevait 7,4 milliards en péréquation et l'Île-du-Prince-Édouard en recevait 300 millions. Mais c'est sûr que c'est proportionnel au nombre de personnes dans la province. Si vous reportez ça per capita, par habitant, en moyenne, les gens de l'Île-du-Prince-Édouard, la même année, recevaient 2 400 $ par tête de pipe et le Québec seulement 943 $. Et j'ajouterais à ça que même l'Ontario en reçoit de la péréquation. On est porté au Québec à se comparer à l'Ontario, puis à dire qu'ils sont beaucoup plus riches que nous autres, mais même l'Ontario fait figure de pauvre par rapport à l'Alberta et à la Saskatchewan, et reçoit de la péréquation. Donc, quand vous mettez ça sur une base par capita, le Québec n'est pas la province qui en reçoit le plus. On est au 4e ou 5e rang dans l'ensemble des provinces canadiennes, parce que le Manitoba et les provinces maritimes en reçoivent plus, sauf Terre-Neuve à cause des recettes pétrolières. Une autre nuance que Luc Godbout apportait, c'est que si vous mettez ça en termes nets, tu l'as rappelé un peu tantôt, David, c'est-à-dire ce qu'on reçoit, on déduit ce qu'on paye au gouvernement fédéral en impôts, la situation change encore. Les Québécois, per capita, par personne, reçoivent au net, une fois qu'ils ont payé les impôts, 540 $ par habitant en moyenne. Et l'Alberta, eux autres, sont très déficitaires. Eux autres, ils sont un déficit de 700 $ par habitant. Mais l'île du Prince-Édouard en reçoit 2000. De sorte qu'on voit bien que c'est une assurance collective et le Québec, les Québécois, ne sont pas ceux qui en profitent le plus. On est content d'en recevoir. On remercie beaucoup Ottawa. Mais je pense qu'Ottawa ne faisait que dans le fond, que poursuivre sa politique de nation building, de construction nationale. On s'assure que tous les être Canadien, ça signifie la même chose un peu partout au pays. Et Luc Godbout termine avec cette réflexion en disant, vous savez, les Québécois ont accès à plus de services publics que les autres Canadiens, mais ils ont également le fardeau fiscal le plus élevé au Canada. En 2008-2009, le poids des prélèvements fiscaux de l'ensemble des administrations publiques en proportion du produit intérieur brut représentait au Québec près de 39% comparativement à 31. Donc 39 ici, 31 là-bas pour les autres provinces canadiennes. Ce fort écart de prélèvements fiscaux finance évidemment davantage de services publics. Donc on s'en paye, c'est un choix sans payer davantage. Qui plus est, même si le Québec se ravisait et décidait de réduire les services qu'il offre à ses citoyens, cela ne modifierait en rien le montant de péréquation qu'il reçoit. Il n'y a pas de lien, ni en théorie, ni dans les faits, entre le montant des services que le Québec décide d'offrir à sa population et le montant de péréquation que lui verse le gouvernement fédéral. Ce ne sont donc pas les paiements de péréquation qui financent les dépenses additionnelles du Québec, mais des impôts et des taxes plus élevées qui sont payées par les Québécois. C'est majeur, ça, comme précision, parce que je parie qu'il y a encore beaucoup de confusion à cet égard-là. Oui, j'ai entendu souvent. Apparemment, au Canada anglais, dans les autres provinces, on constate les Québécois comme des bébés gâtés, puis ils se disent, ils se payent de l'assurance parentale puis des garderies grâce à la péréquation. Ce que Luc Godbout dit, puis Pierre Fortin l'a réaffirmé lui aussi plusieurs fois, c'est qu'une bonne, en large partie, les services additionnels qu'on se paye, ben c'est nous qui nous les payons, c'est pas les gens des autres provinces. Maintenant, si on tombe dans les aspects plus négatifs, tu en as fait quelques notes à cet égard-là, sur quoi tu mettrais le doigt en commençant? Ben, je commençais peut-être en disant que c'est peut-être le Canada est peut-être un peu victime de sa taille, finalement, du fait qu'il y a beaucoup d'observateurs, même des historiens, des gens de toutes sortes de professions qui disent que le Canada, c'est quand même 4-5 fuseaux horaires, c'est un peu moins que l'ex-URSS, mais c'est quand même beaucoup, et c'est peut-être 4 ou 5 économies différentes. Entre les maritimes, le Québec, l'Ontario, les prairies, l'économie britannique, c'est très différent. Au plan économique, ça a une grande conséquence, c'est-à-dire que c'est bien difficile d'avoir, les économistes appellent ça une union monétaire, là, d'avoir le même dollar, c'est que ça ne convient pas également à tout le monde. C'est-à-dire que le dollar, le taux de change, par exemple, peut être plus élevé que qu'est-ce que l'économie québécoise pourrait supporter. Pourquoi? Parce que c'est peut-être un peu moins vrai présentement, mais il y a à peine, pendant plusieurs années, les exportations de pétrole des provinces de l'Ouest faisaient en sorte que le dollar canadien était plus élevé que ce qui aurait été souhaitable pour l'économie québécoise, de sorte que nos exportateurs en arrachaient là, pour être compétitifs notamment sur le marché américain. On comprend bien, le dollar est plus cher, donc c'est moins évident de faire des exportations. Nos produits sont plus chers, donc sont moins tentants pour les autres. C'est ça qu'il faut retenir. Ben, c'est ça. Encore là, les choses sont toujours un peu plus complexes. Évidemment, ce qui est déplaisant pour les manufacturiers, ben, c'est plaisant pour les consommateurs, parce que pour les Québécois, ben, ils ont profité un peu du fait que le dollar canadien était plus élevé parce que ça coûtait moins cher acheter des oranges ou ça coûtait moins cher aller à Cuba. Ça, c'est sûr. Il y a d'autres désavantages aussi. Je sais que le pacte automobile, c'est quelque chose que tu avais noté. À moins que ce ne soit pas dans tes éléments, je ne veux pas te précéder. Ben, c'est encore là, il y a des choses que, quand on est bien honnête, tu sais, moi, je me rappelle dans les années 70, début des années 80, au moment du premier référendum, en tout cas, il y avait tout un mouvement de pensée au Québec. Là, en fait, c'est les séparatistes, pour prendre une expression chère à Jean-Claude. Oui, c'est ça, hein, pas de thé. dénonçait régulièrement, je me rappelle par cœur, là, c'était le Canada nous a beaucoup défavorisés parce qu'on a ouvert la voie maritime du Saint-Laurent, puis il y a eu le pacte automobile qui a beaucoup avantagé l'Ontario. C'est vrai que ça a nui au Québec, mais on ne peut pas faire autrement. C'est anormal de faire ça, puis le gouvernement fédéral a eu raison. On ne peut pas bloquer l'ouverture de la voie maritime tout simplement pour ne pas nuire à plaisir, Montréal. Oui, bien sûr. Puis il était logique que l'industrie automobile se localise davantage en Ontario qu'au Québec parce qu'on était beaucoup plus près de Détroit. En fait, tu prends le pont puis tu traverses de Windsor à Détroit. Voilà. Mais effectivement, ça a eu pour effet de déplacer le pôle de gravité économique au Canada vers l'Ontario. Et ça a attiré les gestes sociaux, comme on mentionnait tantôt. Ça le nuit, mais on peut pas vraiment blâmer personne. C'était l'évolution de l'économie qui était comme ça. Je dirais, par contre, si on veut ajouter, si on veut chercher des inconvénients qui ressemblent, mais ça joue parfois, je dirais que c'est le fait que le Canada est un très grand pays, peut-être trop grand pour vraiment être facile à gérer là, de façon, je dirais, équitable pour tout le monde, bien souvent, le gouvernement fédéral doit faire des choix. Est-ce que je défends tel secteur en Ontario ou en Nouvelle-Écosse ou plutôt que le Québec? On a beaucoup d'exemples de ces dilemmes auxquels le gouvernement fédéral est confronté. Par exemple, est-ce qu'on protège les avions de bombardier? Est-ce qu'on subventionne les avions de bombardier ou plutôt l'industrie automobile? Il y a beaucoup de gens au Québec, y compris parmi des fédéralistes, qui ont dénoncé le fait que le gouvernement fédéral était très prompt à rescaper, à sauver, à aller au secours de l'industrie automobile qui était amaganée il y a quelques années en Ontario, mais il était extrêmement hésitant à accorder des prêts à Bombardier, qui lui-même avait certains problèmes financiers avec la mise au point de la C-Series. Mais prenons un autre exemple qu'on va vivre là, dans les prochains mois, les prochaines années. Est-ce qu'on doit, dans les négociations commerciales de l'ALENA ou de d'autres négociations, est-ce qu'on doit protéger la gestion de l'offre, le secteur laitier québécois? Qui est cher au Québec. Ou le bœuf de l'Alberta qui pourrait faire face à des oppositions pour son entrée aux États-Unis. Dans le domaine, dans la région même ici de Québec, de l'autre capitale nationale, ben on est très sensible au fait que le contrat des frégates a été accordé, par exemple, à Irving Shipbuilding à St. John's, New Brunswick, plutôt qu'à MIL Davis. Bon, évidemment, souvent au Québec, on est porté à dire le fédéral, c'est ça, il aide toujours les autres provinces. Probablement que les autres provinces ont exactement le point de vue inverse. C'est ça, le fédéral est toujours porté à favoriser le Québec. Qu'en est-il exactement? Je ne sais pas, mais il reste que gérer un pays aussi disparate que le Canada, ça devient difficile au point de vue des politiques. J'avais noté quelques chiffres. Là, je parle du Québec, mais ça donne quand même une idée de l'ampleur. Évidemment, il y a beaucoup de la plus grande portion du Canada est inoccupée, ça c'est clair, mais juste le Québec, la superficie du Québec, il se classerait dans la liste des 20 pays les plus étendus au monde si le Québec formait une nation autonome. Ça vous donne une idée? La superficie du Québec se compare à celle de l'Iran, la Mongolie. Le Québec pourrait contenir 3 fois la France, 5 fois le Japon, 15 fois Cuba, 75 fois Israël et 150 fois la Jamaïque. Tu sais, ça. On parle de pays, là. Oui, oui, exactement. C'est très grand. Fait que ça donne un bon aperçu. On fait une petite pause musicale et au retour, notre conclusion sur ce sujet. Well, Frenchmen came from France to exterminate Indians, satisfy their appetite for genocide. They proliferated like vermin, so today we are millions dreaming of destruction, waiting for secession, preparing the final assault to avenge the plains of Abraham. Insult, dreaming of pogroms and referendums. Ouais, mes choix musicaux sont pas toujours innocents. Enfin, rarement. Mais Jean-Claude, on est rendu à la conclusion. Évidemment, il y a beaucoup d'autres éléments très intéressants qu'on pourrait aborder, mais ce sera sur le blog de l'émission. Tu vas en rédiger un texte d'ailleurs. Mm. Je vais sûrement y ajouter un petit quelque chose aussi. Donc, vous pourrez aller beaucoup plus loin, lire des articles, lire des choses qui sont reliées à ce sujet passionnant. On pourra en parler 2 heures, très franchement. Mais il y a une conclusion. On peut quand même se permettre de dire, parfait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion 150 ans plus tard? Ben moi, ma conclusion est un peu ambivalente. Je dirais que, dépendant des périodes, dépendant des critères qu'on prend, dépendant des secteurs industriels qu'on considère, le Canada est une bonne chose ou une mauvaise chose ou une chose ambivalente pour l'économie du Québec. Puis moi, la conclusion à laquelle j'en arrive, c'est qu'on peut pas vraiment trancher. On peut pas dire au plan économique, le Québec devrait être indépendant ou devrait plutôt être rester dans l'Union canadienne. Je pense que le débat doit se porter sur d'autres dimensions que la dimension strictement économique. C'est même une conclusion plutôt logique parce que je me souviens très bien de Jean Charest qui se faisait poser la question par un animateur français qui disait, mais est-ce que, répondant à la question, est-ce que le Québec économiquement parlant, souverain, c'est réaliste? Et sa réponse avait été oui, oui, oui. Mais politiquement, bon, c'est la branche politique. On est dans l'aspect politique des choses, clairement, parce que quand on regarde l'aspect économique, on pourra toujours trouver un avantage X, un désavantage Y. C'est un peu ça. C'est nuancé. On est dans les zones grises. Merci beaucoup, Jean-Claude, pour cette présentation, ce qui a exigé beaucoup d'heures de lecture et de préparation, mais ce ne sera pas en vain, puisqu'on va mettre ton blog en ligne dans quelques instants. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci. Je disais que mes choix musicaux sont pas innocents, voilà. C'est House of Cards qu'on entend derrière, pour ceux qui ne le savaient pas. Jean-Claude, actualité, quelque chose d'intéressant. Tesla a fait une annonce liée à toutes ces catastrophes qui surviennent au sud des États-Unis et dans les Antilles. Constructeur de voitures électriques américain, Tesla a débridé à distance en fin de semaine dernière la capacité des batteries de certains véhicules circulant en Floride pour mieux fuir la tempête Irma. Alors que des millions d'habitants de Floride avaient reçu l'ordre d'évacuer avant l'arrivée de l'ouragan, Tesla a facilité le voyage de certains d'entre eux en déverrouillant à distance la capacité de la batterie des modèles S, berline et modèle X, un VUS. Alors que ces batteries sont verrouillées à 60 km/h sur certaines versions, le changement à distance a étendu leur capacité à 75 km/h, leur permettant de rouler plus longtemps sans avoir besoin d'être chargé. Ce déblocage à distance qui, normalement, est offert commercialement pour la somme de 4 500 $ à 9 000 $ suivant les modèles, n'est que temporaire. Celle-ci s'éteindra le 16 septembre. Tu avais des choses à dire là-dessus. Moi, curieusement, je suis peut-être un des seuls pour qui ça allait évoquer ça, mais pour moi, ça me rappelait une notion de base en économie 101, c'est-à-dire c'est la notion de rente du consommateur. Ce qu'on apprend en économie 101 dans les premiers cours d'économie, c'est que il y a des consommateurs qui seraient prêts à payer plus cher pour un produit. Ils peuvent acheter un produit, dans le cas d'une Tesla, disons que c'est peut-être 80 000 $ mais ils sont bien contents de l'avoir à 80 000 $ mais dans le fond, ils veulent tellement de Tesla qu'ils seraient prêts à payer 100 000. Alors, il y a une espèce de rente, c'est-à-dire celui qui achète une Tesla à 80 000, il y a comme un gain là, implicite parce qu'il aurait été prêt à payer plus cher que ça. Mais les compagnies ne sont pas folles, puis ils veulent aller, on appelle ça écrémer le marché, ils s'organisent pour aller chercher cette rente-là. De sorte qu'ils disent, tu es prêt à payer 100 000 pour une Tesla, là, ben c'est correct, il faudrait que tu payes 100 000 parce que sinon, ton moteur va être bloqué à telle vitesse avec tel rendement. Donc, c'est quelque chose, moi, je trouve, à la limite, n'importe quel MBA va être d'accord avec ça en gestion, on va dire, c'est une bonne façon de maximiser les profits. Mais au point de vue éthique, je trouve ça un peu bizarre, un peu questionnable quand même, c'est-à-dire qu'on s'organise là, pour rien laisser aux consommateurs, s'assurer qu'ils payent vraiment jusqu'à la dernière scène. Ça, j'ajouterais un autre exemple qui est moins connu, mais qui est très important, c'est que le prix des médicaments en Amérique du Nord, c'est exactement la même logique. Les Américains payent beaucoup plus cher leurs médicaments parce que les compagnies pharmaceutiques savent que les Américains ont plus de capacité de payer que les Canadiens, et encore plus que les Africains, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a vu il y a quelques années, ça existe peut-être encore, on essaie de bloquer l'achat par des Américains de médicaments au Canada parce qu'ils payaient moins cher. Encore là, il y avait une rente du consommateur qu'on voulait éponger. On savait que les Américains avaient les moyens de payer plus cher pour leurs médicaments, on leur a dit, vous allez payer. Puis les braves Canadiens, les autres sont un peu plus péquenauds, un peu moins riches. Les autres, on va lui donner un rabais. C'est-à-dire, on va lui vendre le prix que ça coûte. Voilà. Mais il y a eu, j'ai lu quand même sur cette nouvelle-là, il y avait des commentaires, il y avait des gens qui apportaient des bémols. Ils disaient, non, c'est pas nécessairement une question de capitalisme sauvage, tant que une question technique pour assurer la longévité du véhicule, de la batterie, c'est mieux de brider ça, de limiter ça de telle sorte que sur la durée de vie, on a un gain. Ben, prenons-le à l'inverse. Pourquoi qu'on le débride sur les véhicules vendus après, mais à ce moment-là? Parce qu'ils ont un moyen de le changer. Ah, d'accord. Excellent. Bon, je ne sais pas si on a le temps encore de parler de la prochaine nouvelle ou bien on va au chiffre de la semaine. Ça dépend ce que tu as à nous dire sur... Chiffre de la semaine, très bien. Chiffre de la semaine, donc on vous demandait en début d'émission, on était rendu à combien? 20, je me souviens. Une vingt et une. Donc chiffre, évidemment, vous dites à quoi ça ressemble? Probablement le prix de l'essence. Bingo! Prix de l'essence, parce que la semaine dernière, on en a parlé rapidement, reste que c'est quand même intriguant, ces variations du prix de l'essence à des moments où qui paraissent très avantageux sur le plan stratégique pour celui qui reçoit l'argent. Oui, oui, c'est sûr que c'est un peu un mystère, puis il n'a jamais été complètement résolu, mais regarde, aujourd'hui, c'est à 1,21. Hier, c'était à 1,28. Pendant une bonne partie de la semaine, c'était à 1,28. Puis, il y a à peine trois semaines, c'était à 1,3 ou 1,6. On se demande pourquoi. Mais encore là, on pourrait peut-être le mettre sur le site. Mais il y a une jeune collègue qui a fait une série de blogs là-dessus il y a quelques années pour un peu tout décortiquer le problème. Puis, dans le fond, moi, je pense que le principal coupable, ce sont les commerçants locaux qui. Parce qu'on s'en rend compte, parce que dans le prix de l'essence, autour, disons que c'est 1,20 ou 1,15 du litre, le prix de l'essence. Il y a une bonne partie sur laquelle on n'a aucun contrôle, c'est-à-dire les taxes provinciales et fédérales, c'est à peu près 45 cents. Le prix du brut, puis le prix du brut, on sait qu'il n'a pas beaucoup varié depuis un bon bout de temps. Il est autour de 60 $ le baril. C'est à peu près, encore là, de 65 cents du prix de l'essence. Le restant, c'est la marge des détaillants. Puis ce qu'on sait, c'est que la concurrence est tellement forte là-dessus qu'ils maintiennent toujours leur marge bénéficiaire au minimum. Mais à un moment donné, ils n'en peuvent plus, ils sont sur le point de faire faillite. Fait que là, d'un coup sec, il y en a un qui se décide, il dit, quand tu as fait faillite, je vais augmenter le prix pendant un bout de temps, de préférence au moment de la fête du travail ou à Saint-Jean-Baptiste, ou des fois quand il y a un prétexte comme des ouragans. Fait que pendant un petit bout de temps, il l'augmente, ça lui permet de revenir un peu dans la rentabilité, mais tôt ou tard, la compétition se réinstalle, puis là, on rebaisse à nouveau. Est-ce que l'argument là, qui sortait le plus, c'était parce que s'il y avait les questions de raffinage au Texas, notamment, on se disait, on avait une crainte réelle et sincère, semble-t-il, je fais des guillemets, je vais vous les faxer, en voulant dire on va manquer de matière. Là. Donc, que rareté veut dire prix plus élevé. Là. Bien, je pense que ce serait vrai à moyen terme. Tu as dit, si ça arrivait dans quelques mois, peut-être, là, parce qu'on se rendrait compte qu'effectivement, on commence à manquer. Mais présentement, ça ne semble pas être le cas, parce qu'au contraire, on parle de plus longtemps maintenant, depuis plusieurs mois, peut-être plusieurs années, d'une espèce d'excédent de réserves pétrolières dans le monde, grâce au fractionnement hydraulique aux États-Unis, mais également il y a un paquet de pays producteurs qui, ça leur sort par les oreilles, le pétrole. Fait que je pense pas que cet effet-là aurait pu se manifester à très court terme. Tu le mentionnais la semaine passée, beaucoup se disent, ouais, mais les citernes sont pleines. Oui, elles sont pleines de gaz qui a pas été payé, d'essence qui a pas été payé à ce prix-là. Là. Ben, c'est ça. Pour ça, moi, je pense que le coupable, j'en veux pas aux détaillants locaux, là, ils essaient de gagner leur vie, mais je pense que eux autres, effectivement, c'est un peu les coupables présentement de ce genre de fluctuations-là. Ils vont peut-être nous le dire, nous dire, c'est pas vrai, non, ça a du bon sens. Merci Jean-Claude. Je me permets quand même quelques secondes, comme il nous reste une minute et demie à peu près, pour revenir sur l'ALENA, si tu le permets. ALENA, les États-Unis réclament une clause crépusculaire. Si je peux résumer la chose, c'est que c'est comme une date limite, hein, c'est comme une fin à cette histoire-là, comme de quoi que c'est tout dur, une espèce d'élément de pression qui existe et qu'on veut instaurer. Ben moi, je pense pas que ce soit une très bonne idée, parce que ça aurait pour effet de prolonger un peu une espèce d'incertitude. C'est comme, probablement, c'est encore là sur une position de négociation. On dit, si on n'est pas prêt à s'entendre, on va mettre une clause crépusculaire qui va faire en sorte qu'on prolonge, mais dans 5 ans, ça va être renégocié. Mais ça, c'est très mauvais pour l'industrie, je pense, parce que les gens vont dire, ouais, mais là, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Fait que tout va un peu comme ça. Ils vont tous tomber dans une certaine forme d'immobilisme, parce qu'on va se dire, ne sachant pas trop ce qui va se passer dans 4 ou 5 ans, ben là, on n'ose pas trop prendre une décision d'investir à tel ou tel endroit, parce qu'on peut être exposé à des tarifs ou à des droits compensateurs dans quelques années. Et voyant ça, parce qu'effectivement, on prend des ententes non pas pour 3-4 jours ou 6-7 mois, là, c'est des centaines, sinon des milliers, on dirait qu'il y a des milliers de pages là-dedans dans les discussions. On va-tu vraiment prendre ça en se disant, bien, on recommence peut-être dans 5 ans? Oui, bien, c'est parce que, comme on l'a mentionné la semaine passée aussi, ce genre d'entente-là, ça pourrait faire que l'entreprise prend ses décisions d'investissement en se disant, pour exporter dans tel autre pays, ça va être tel tarif ou pas de tarif du tout. Ouais. Puis quand tu fais une installation dans un endroit, peu importe dans quel pays, normalement, c'est 10, 15, 20, 25 ans pour que ton usine va fonctionner. De sorte que là, les gens vont être très attentistes. Ils vont dire, ouais, mais les Américains vont peut-être révoquer l'entente dans 4 ou 5 ans. Donc, tout s'immobilise, tout arrête. Merci, Jean-Claude. Alors, c'est déjà tout pour nous. Merci beaucoup, Jean-Claude, pour le travail et la présentation. Nous mettrons donc les liens pertinents sur notre blog si vous souhaitez approfondir le sujet et les différents sujets dont on a parlé, lire un peu à propos des 150 ans du marché commun canadien, bien entendu. Bonne semaine, merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux ou à écouter en balado. Visitez econophile.net. Merci et à samedi prochain.